me connaissent pas. De ma foi qui ne savait pas. Alors certains ne comprennent pas ce que je vois. C'est qu'après 6 ans je n'arrête pas. Ex, tu vas apprendre à me connaître, tu sais. Reste sage car ma force ne sait d'augmenter. Je blesse tous ceux qui veulent me défier. Nier pour rester en vie, faut être mon allié. Teste-moi, je ferai de toi mon ennemi. Yo, y'a quoi? Tu croyais? Moi je voyais. Tu partais en live, j'avais, tu vois. Je te connais pas, mais tu me connais pas. Tu me montes du doigt, je te montre du doigt. Si tu me pousses quoi, je te pousse, gars. Me respecte pas, je te respecterai pas. Tu me connais pas, tu veux savoir comment je m'appelle. F-E-L-X, sache que je représente tout le 12e. F-E-L, maintenant tu sais qui je suis, d'où je viens, y'a pas de problème. F-E-L, monte le volume, t'inquiète, tu peux faire grimper les décibels. Maintenant, yo, tu dis quoi? Fais pour toi, ouais, je reste là. Tu sais, c'est la meilleure. À chaque fois qu'on me tait, je ne vois pas, je ne sais pas. Ex, je resterai à vie, c'est vrai, je sais. Je ne pourrai pas changer. J'ai commencé, je terminerai. Et ce malgré ce que les gens vont penser. Eh oh, c'est pas la peine de faire si tu fais pas le poids. Eh oh, pas de peine pour toi, t'es tombé sur moi. Oh oh, tu ne sais même pas pourquoi tu es là. Oh no. Continue, j'ai peur pour toi, gars. Tu me connais pas, tu veux savoir comment je m'appelle. F-E-L-X, sache que je représente pour tout le 12e. F-E-L, maintenant tu sais qui je suis, d'où je viens, y'a pas de problème. F-E-L, monte le volume, t'inquiète, tu peux faire grimper les décibels. Tu me connais pas, tu veux savoir comment je m'appelle. F-E-L-X, sache que je représente pour tout le 12e. F-E-L, maintenant tu sais qui je suis, d'où je viens, y'a pas de problème. F-E-L, monte le volume, t'inquiète, tu peux faire grimper les décibels. C'est bon, je crois, pour cette fois. 2, on s'est compris, mec, toi et moi. 3, vaut mieux qu'on en reste là. F-E-L-X, ne dis plus que tu me connais pas. Mon 12, c'est là que tu me trouveras. Si tu me cherches, t'inquiète pas, on t'attend là-bas. Mec, le point D, bardé. 1, pas la peine de bavarder, ça va barder. Fais, comment? Qu'est-ce que tu veux que je te dise là? Pour X te traumatise, gars. Qui sait comment je m'appelle? Fais pas de bêtises, non. Ne tape pas de crise. Tu me connais pas, tu veux savoir comment je m'appelle. F-E-L-X, sache que je représente pour tout le 12e. F-E-L, maintenant tu sais qui je suis, d'où je viens, y'a pas de problème. F-E-L,